Chapitre 6e. Je m'étais arrêté sous le seuil, saisi d'un insurmontable dégoût. Mais en entendant l'exclamation du forgeron, j'avançais, et voici ce que je vis. Un réduit très bas, étouffé. Dans le toit incliné, une seule ouverture non vitrée, garnie de barres de fer pour livrer passage à la lumière. Des murs noircis, un plancher couvert de souillures. Pas de chaise, pas de table, pas de lit. À terre seulement, dans un coin, un matelas en log sur lequel je n'aurais pas voulu faire coucher mes chiens, et sur ce matelas, une forme humaine. « Qu'est-ce que cela ? » demandai-je. Lorraine se retourna. « C'était une femme, » dit-il. « Que Dieu ait pitié de nous. C'était ? Est-elle donc morte ?» Nous nous agenouillâmes sur le matelas auprès de la pauvre créature pour l'examiner de plus près. Dieu me préserve de revoir jamais rien de semblable. Son corps, effroyablement amaigri, n'était pas vêtu, mais tout juste couvert d'une loque ignoble, sans nom. Ses cheveux noirs tondus au ras de la tête, ses cils et ses sourcils également très noirs, faisaient ressortir la pâleur livide de son front, sur lequel on remarquait une tache de sang. « Voyez !» murmura Lorenz. Nous avions instinctivement baissé la voix. « Regardez ceci !» Il me montra que la malheureuse était attachée par une ceinture à laquelle était fixée une chaîne de fer. L'autre bout de la chaîne était rivé à un anneau scellé dans la muraille. Mais le crampon qui retenait l'anneau me parut faussé. Un violent effort avait dû arracher cette ferraille du mur dégradé. Les épaules de la jeune femme étaient couvertes de contusions et de cicatrices, les unes anciennes, les autres de dates récentes. C'était un objet tout à la fois de pitié et d'horreur. « Je m'en doutais bien. Seulement cela dépasse mes prévisions, » dit Lorenz. Le bruit a circulé dans le temps que Rosel, l'aîné des Dietrich, n'était jamais parti pour l'Argovie. Qu'on la tenait enfermée depuis qu'elle était devenue folle furieuse. Personne, cependant, n'en était sûr et on finit par oublier la chose. Mais vous voyez, la pauvre misérable créature a été retenue ici, enchaînée comme une bête, mourant de faim et rouée de coups. Sa propre fille, monsieur, sa chair et son sang, et maintenant ce diable femelle l'a tuée. J'étais bouleversé. Le forgeron étendit le bras pour me soutenir. Ne vous occupez pas de moi. Voyons, essayons quelque chose. Est-elle vraiment morte ? Je posai la main sur son cœur et le sentis battre encore, bien que faiblement. Elle était insensible, mais de temps en temps, un frémissement léger agitait ses paupières comme s'il eût essayé de les soulever. « Avec du secours, dis-je, nous pourrons encore la sauver. Comment faire ? Si nous demeurions plus longtemps en ce lieu, notre vie à nous autres serait mise en péril par l'inondation. » Tandis que nous hésitions sur le parti à prendre, toujours agenouillés près du matelas, Rosel ouvrit soudain les yeux. Son regard n'exprimait pas la folie. Il était étonné, mais sans égarement. « Ne crains rien, Rosel, » dit le forgeron, se penchant sur elle. « Personne ne te fera de mal. » Son visage changea d'une façon si extraordinaire que nous nous retournâmes. Sur le seuil de la porte tenait l'hôtesse du corbeau. Ses énergiques réclamations et leur propre curiosité avaient décidé les deux hommes qui la gardaient à monter avec elle. Elle se tenait entre eux les mains liées, regardant le grabat. Les lèvres de la fille s'agitèrent. Une lueur plus vive s'échappa de ses yeux éteints. Elle était si faible que sa voix ressemblait à un soupir. Néanmoins, nous pûmes saisir les paroles qu'elle prononça. « Rosel, hélas, mère, prenez Rosel. » La vieille femme s'élança en avant, mais les hommes placés auprès d'elle la retinrent. « Laissez-moi » criait-elle d'une voix étranglée, presque suppliante. « Laissez-moi aller à elle. Monstre, voulez-vous donc achever votre œuvre ?» s'écria Lorenz, se jetant entre elle et le grabat. La Dietrich tomba sur ses genoux et un violent tremblement agita tout son corps, puis se termina par des sanglots à travers lesquels s'échappait un flot de paroles entrecoupées. « Je ne voulais pas la tuer » criait-elle. « Je ne l'ai pas tuée. Vous ne prétendez pas me dire cela ? C'était seulement pour me défendre. Elle avait arraché l'anneau et s'était élancée sur moi par derrière. Alors j'ai lutté contre elle et je l'ai renversée. Elle était comme une bête féroce. Le diable la possédait. « Vous ne savez pas ce que c'est que de supporter cela, toute seule, et de n'en parler à personne. Oh, mais elle me reconnaît maintenant. Elle se souvient de mon nom. Voilà 12 ans qu'elle ne m'a pas reconnu. Songez donc. » Et chaque fois qu'elle prononçait le mot « mère », elle blasphémait. Elle mettait tout en pièces. « Permettez-moi d'aller à elle. Vous pouvez laisser mes mains attachées si vous voulez. Aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel, je ne lui ferai pas de mal. Écoutez. Elle pleure pour que je vienne. » « C'est mon enfant, Lorenz, mon enfant que j'ai porté, que j'ai nourri de mon lait. Ce n'est plus ce démon qui venait nous tourmenter. Rosel, Rosel !» Elle se releva. Le forgeron avait tiré son couteau et coupé les cordes qui lui serraient les poignets. « Faites attention, dit-il, que si vous touchez un cheveu de sa tête, je vous abats comme un bœuf à la boucherie. » Elle ne prit garde ni à lui ni à ses paroles. Déjà, elle était sur le matelas, à côté de sa fille, appuyant la pauvre tête blessée contre son sein. La mourante sourit et referma les yeux. « Mère, ne faites pas de bruit. Laissez Rose le dormir, murmura-t-elle. Le coup qui avait détruit la vie en elle lui avait rendu à la raison, mais c'était la raison d'un petit enfant. « Rosel, Rosel, où étais-tu, ma Rosel? Dieu t'a reprise. Il n'est pas trop tard, dit mignonne. » Nous demeurions stupéfaits devant cette étrange explosion de tendresse maternelle. En dépit de toutes les brutalités que l'ignorance lui avait fait commettre, cette mégère aimait son enfant. Elle l'avait protégée contre les curiosités de la foule, contre ce qu'elle appelait l'infamie de la prison des fous. Elle avait caché au péril de sa propre vie l'état de dégradation profonde et de bestiale fureur où la jetaient ses accès de démence. Plutôt que de livrer son misérable secret, elle s'était enfermée pour mourir avec elle, et maintenant Rose reposait calme et souriante, bercée par sa mère. « Pour Dieu, m'écriai-je, tâcherons de les emmener. Nous pouvons porter cette pauvre fille en bas, la mettre à l'abri. »« Oui, allons, dit Lorenz, en essuyant une larme qui s'obstinait à glisser le long de sa joue basanée. « Portons-la sur son matelas, telle qu'elle est. » En ce moment, Rosel se souleva brusquement et avec persistance fixa sa prunelle dilatée sur un des angles du grenier. « Mère, dit-elle, parlant plus distinctement qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors, ne restons pas ici. Il fait si noir, si froid. Là, dehors, tout brille, regardez. Voilà le père. Mère, emmenez Rosel. » Et elle retomba, morte, dans les bras de la vieille femme. Les ouvriers vinrent tirer Lorenz par la manche. « Ne sentez-vous pas trembler la maison? Voilà le corps qui se fait entendre de nouveau. » Ils s'enfuirent sans rien ajouter de plus. Le forgeron et moi, nous nous efforcions d'arracher la Dietrich à l'étreinte glacée de son enfant. Ce fut impossible. Elle était étendue, la face sur la poitrine de Rosel, ne voulant ni remuer ni parler que pour répéter avec énergie. « Non, j'ai retrouvé ma fille, je ne la quitterai pas. » Un grand cri s'éleva du dehors. La maison chancelait. Si affreux qu'il peut être d'abandonner cette malheureuse, nous cédâmes à l'instinct de la conservation. En atteignant le premier étage, nous entendîmes de nouveau l'appel de la foule. Je me jetai dans la chambre où j'avais couché, je gagnai la fenêtre. « Par ici, par ici !» criait le peuple. « Sautez si vous tenez à vivre !» Lorenz me suivait. Grâce au tuyau dont je m'étais aidé une première fois, nous fûmes sur la route quelques instants après. « Courez !» nous criait le guetteur Aloïs, du haut d'une éminence sur laquelle il était monté. Je ne me rendais pas bien compte de la direction à prendre, mais Lorenz m'entraîna. « Il faut nous garer des décombres, » dit-il d'une voix haletante. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un horrible craquement retentit. Je m'arrêtai, je regardai en arrière. De grosses vagues limoneuses à la crête écumante enveloppaient la maison qu'elle battait comme autant de béliers. La digue improvisée en bois de charpente avait été balayée. Le sol se désagrégeait, rongé par les eaux dévorantes. Une minute encore, et le bâtiment, vacillant de la cave au grenier, s'affaissa et disparut comme si un tremblement de terre l'eût englouti. La lune cependant brillait dans tout son éclat, et on entendait la voix aigre de l'idiot qui chantait à cœur joie. Ainsi s'achève L'hôtesse du Corbeau, une aventure de voyage, par Frances Trollope.